Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est l'heure de la consultation du docteur Disco. Vous allez bien ? J'espère bien. Alors c'est parti pour l'entrée, c'est-à-dire la découverte. Aujourd'hui, Gino Socio. Vous pensez tous qu'il est italien ? Eh bien, perdu, il est canadien. En même temps, moi je pensais aussi qu'il était italien, donc comme ça. Alors il va commencer le piano très tôt, à l'âge de 8 ans, et il va enregistrer sa première chanson à l'âge de 18 ans. À 24 ans, il enregistre son premier album solo, Outline, qui d'ailleurs est couronné de succès, et il va rester à la première place des ventes pendant 6 semaines. Malgré le déclin du disco, il connaît encore le succès en 1980 avec son second album, S-Beat. Il reste le seul artiste disco à avoir 3 singles de ses 2 premiers albums dans les meilleurs classements musicaux. Il sort le single que nous allons écouter en 1981, extrait de l'album Closer. Une altercation avec la police en 1984 et le déclin du disco signe la fin de la carrière de Gino Socio. Alors, le morceau s'appelle Try It Out, et ben je vous dis bonne découverte. We'll be right back. C'est parti pour la suite, à savoir les 100 hits qui ont marqué le disco. Aujourd'hui, on va se faire une tranche de The Temptations avec leur titre Law of the Land de 1973. Le titre est écrit par Norman Whitfield et il est construit sur un beat disco lent. À part un break au milieu du morceau, la ligne de basse construite sur une mesure et répétée pendant 5 minutes et crée une ambiance hypnotique qui marque le disco et plus tard la house. Law of the Land est symbolique des débuts du disco, une ère dominée par la crise économique et la guerre du Vietnam. The Temptation dresse un tableau fataliste de la société loin de l'image joviale et insouciante qui va caractériser le disco des années suivantes. Law of the Land est d'ailleurs reprise par The Undisputed Truth l'année suivante, mais avec un tempo plus rapide et des arrangements encore plus disco. Whitfield continuera de produire du disco d'avant-garde, mais il va abandonner petit à petit les commentaires sociaux et politiques à partir de 1975. Alors, c'était cette année-là, et ça donnait ça. Brother, and that's the way the good Lord made it to be. Dr Disco et Mr Funk sur Fadjet. La suite, c'est notre rubrique de la reprise. On va écouter Inner Life. On a déjà entendu un de leurs morceaux, c'était I Like It Like That, dans une précédente émission. Reprise, mais alors, quelle reprise ? En l'occurrence, Ain't No Mountain High Enough. Le titre a été écrit en 1966 par Ashford et Simpson, mais c'est vraiment Marvin Gaye qui va le populariser la nuit suivante. Alors nous, notre titre, il a été enregistré en 1981. Allez, place à l'écoute. Nowhere. I'll be right here as long as you want me, baby. Alors c'est dans le monde du maxi et on va réécouter un petit Patrick Juvet. I Love America sort en 1978 et est extrait de l'album éponyme. Le 45 tours s'est vendu à plus de 200 000 exemplaires en France et a été numéro 1 dans plus de 15 pays. Alors à la fin des années 70, après ses premiers succès, Patrick Juvet a besoin de prendre ses distances avec le milieu de la chanson en France. Il va alors se rendre à New York et y croiser les producteurs français Henri Bellello et Jack Morali, c'est les producteurs du groupe Village People. Pour lui et avec lui, ils vont créer I Love America. Alors Patrick Juvet disait ceci. Là, la tête a tourné, mais je ne regrette pas. C'est important de vivre 2 ans de limousine et de first class avec garde du corps. J'ai gagné beaucoup d'argent, mais je l'ai claqué. Ah, il a bien raison. Alors il est à noter que le 45 tours comporte sur les deux faces I Love America en 2 versions. Parti. Alors on arrive doucement à la fin de notre émission et il est temps de s'occuper de la pépite du jour. J'ai choisi Sweet Love du groupe Commodores. C'est extrait de l'album Movie On et ça sort en 1975. Ce titre est leur premier titre qui rentre dans le top 10 US et qui lance véritablement leur carrière. Il est composé d'ailleurs par Lionel Richie. Le morceau est coloré, très feutré vocalement et on sent vraiment l'amour dans le tube, hein, je vous garantis. Ah, vous voulez écouter ? Show me a river that's so deep. Show me a mountain so high. Place where dreams are for dreamers, and all the things you wish come true, yeah. I'd wish the world had all happy people, then there'd be no more wishing to do. Alors toutes les bonnes choses ont une fin, mais ma boule de cristal me dit que l'on se retrouve samedi prochain, même heure, même endroit, pour de nouvelles aventures. Bye bye.